啊。 Oh, oh, oh, oh. Jean-Pierre, est-ce que tu as été gentil à Noël? Oh, oh, oh. Regarde ce qu'il y a dans ma haute. Alors moi, je trouve un... J'ai 55 pieds, alors. Je vais revendre mon petit clavier, mais... trop petit. Thank you. Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you.